gens lisent des livres intéressants, puis c'est par les livres qu'ils ont lus ou les films qui les intéressent que tu vois ce qui les intéresse. Il y a un gars qui dit qu'il a lu Psychic Discovery Behind the Iron Curtain. Tu sais comment c'est qu'il mange. C'est qu'il mange le matin. Souvent, ils n'ont pas lu des livres ésotériques, en tout cas. Ils ont lu des livres là, dans le public d'Anakin. Love Sangram pas. Ça donne un indice. Puis là, à ce moment-là, de ton intelligence, tu peux développer, mais toujours en gardant une certaine limite. Sans ça, ils vont t'appeler tous les jours. Ça n'arrête plus. Parce qu'ils t'aiment trop, ils te trouvent trop intéressant, ils te trouvent fascinant, ils te trouvent ci, ils te trouvent ça. Faut que ça arrête. Faut que tu mettes un stop à ça. Ah, mais c'est évident. C'est normal, parce que là, tu commences à leur donner des réponses, puis des réponses, puis des réponses, puis des réponses. Il y a bien du monde qui se demande des questions sur la réincarnation, ça existe-tu, ça existe-tu pas. Le livre « Life After Life », tout le monde a lu ça, bien du monde. Les femmes à Westmount Square avec des gros rouleaux, ils ont tous lu ça. Putain, c'est fumé. En tout cas, je sais bien que moi, dans ma vie, je suis rendu à un point où je veux me réintégrer dans la société humaine au niveau des inconscients. Je veux commencer à socialiser, m'amuser comme je pouvais faire avant. Parce que ça donne plus de couleur à ma vie. Sans ça, ben, je suis toujours, toujours moi qui parle à l'intérieur de ma patente. Je suis tanné de ça. J'aime ça m'amuser un petit peu. Comme le type qui m'a vendu ma maison, il m'a invité. Il dit, why don't you come to New York? Sa femme, elle connaît New York inside out. Elle connaît New York plus que les New Yorkais qu'elle connaît New York. Fait que ma femme, elle veut y aller naturellement, tu vois. Ben. Quand ça, les femmes, les parfums, les cibles, les rampes. Ben, j'ai dit, on va y aller. Fait qu'on va y aller à New York un jour. Fait qu'on va avoir du fun. On va socialiser. Mais ça a pris des années avant que je puisse faire ça. Ils m'ont coupé le sifflet en haut, ces cochons-là. Mais là, ça a commencé à être la fin. Mais on camoufle. Il me dit, je t'ai vu à la télévision, je dis, ah, tu m'avais vu. Je diminue ça. Ça va être un seigneur d'une chaise. Ben, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, j'ai même eu à avoir un seigneur d'une chaise qu'un seigneur sur le cul. Ben, je peux parier, tu sais, je le. T'sais. Fait que ça fait. Avec l'humour, ben, ça enlève le sérieux du seigneur dans la chaise, puis qu'est-ce que je faisais là? Ouais. Ouais. Je fais que je camoufle tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est belle fun. Il y a une autre psychologie là-dedans. Moi, sais-tu qu'est-ce que j'aimerais faire? Donner des cours de personnalité. C'est drôle, hein? Donner des cours de personnalité, là. Ça me fascine! Ça me fascine! De nous, hein? Ouais. T'aimerais ça? C'est fantastique, des cours de personnalité. Parce que l'intelligence, c'est l'intelligence. Ça touche à tout. Donner des coups de maquillage. L'esthétique. Ça se fait. Moi, la personnalité, j'allais puis les deux premiers coups, c'est que je suis moi-même. Puis là, j'étais allée dans le cours, puis je regardais ça. C'est une niaise, tu sais. Ben, en fait, c'est pour nous faire débloquer. Qui sont bloqués, on va dire le nom au micro, moi, je regardais ça, j'ai été enragée. Bref, les deux premières semaines, quand je suis allée, la troisième semaine, mais je vais y aller jusqu'au bout pour voir jusqu'à quel point ils sont capables de rire du monde. Mais je me suis rendue jusqu'au bout. Mais c'est que là-dedans, moi, j'ai appris. J'étais complètement inconsciente de ce qui se passait, mais j'ai appris beaucoup. Puis je ne savais pas que c'était l'impression, là aujourd'hui je le sais, mais c'était juste la loi de l'impression à travers la société. s'appelle. Puis là, j'ai trouvé ça bon. Après, quand j'ai fini le cours. C'est tout ça. Un cours de personnalité, c'est un cours sur la loi d'impression. C'est vous dire, c'est fantastique. Moi, pour que je le fasse, pour que je finisse mes affaires avant, parce que j'ai trop d'affaires. Mais moi, tout m'intéresse, tu comprends? J'aimerais être dentiste. Il faut que tu mettes un stop. Mais. Donner des cours de personnalité, c'est extraordinaire. Parce que quand tu donnes. Quand tu es capable de donner des cours de personnalité là, consciemment à une personne, tu altères sa personnalité physique. Tu altères son comportement émotionnel en relation avec sa personnalité physique. Tu augmentes le niveau d'esthétique de sa personnalité physique. Automatiquement, tu ajustes son mental et son émotionnel en relation avec la valeur qu'elle a de sa personnalité physique. Parce que tu sais que tu peux prendre une femme qui n'est pas belle et la rendre belle. Alors, automatiquement, émotivement, elle se sent mieux. Si tu veux. Puis, il y a toute une psychologie, ça n'arrête pas, ça. Parce que vous autres, vous achetez. Moi, je vous watch, la gang. Il y a des femmes vous avez, qui portent des souliers qui devraient vraiment porter. C'est pas leur vibration. Il y a des lois vibratoires à un soulier. Puis, il y a des femmes qui portent des souliers qui devraient vraiment porter. Là, je parle des femmes, en soi, je parlais des hommes une autre fois. On commençait avec les femmes. Puis, moi, j'en parle pas de ça parce que ça n'arrête plus. Mais, les lois d'impression qui nous sont données par l'intelligence, quand on les connaît, là, on se sent très bien dans notre personnalité. Puis quand on se sent très bien dans notre personnalité, à ce moment-là, les gens commencent à nous regarder. Alors, qu'est-ce qui se passe quand les gens nous regardent? Ça crée de l'entre-gens. Puis quand il y a de l'entre-gens, il y a un échange. Là, je parle du point de vue cosmique. Là. C'est pour ça qu'à un certain moment, tu es obligé de camoufler. Moi, si je sors avec Gisèle sur la rue, là, ça n'arrête pas, les têtes se retournent, puis les têtes se retournent. Puis si je vais dans un restaurant, les têtes se retournent, puis les têtes se retournent. Fait que, je suis assez drôle que si une tête se retourne, puis j'ai un intérêt à ce que rencontrer cette personne-là, m'a l'invité. Là, il va être pogné, là, il s'est tourné la tête. Là, on va parler. Ça va loin, l'affaire. Ça arrête. T'sais, quand t'es dans l'intelligence, c'est dans l'infinité de son expression, ça arrête pas. Puis elle commence à s'habituer à ça. Parce qu'avant, ça la fatiguait. Puis ça la fatiguait. Puis ça la fatiguait. Puis je la comprends. Parce qu'il y a des têtes qui se retournent. Puis il y a des têtes qui se retournent. T'sais. Mais quand une tête se retourne simplement parce que la vibration de la personnalité est haute, à ce moment-là, c'est une vibration. C'est positif. La relation humaine est positive. Puis tu peux aller loin. Dans les cours de relations humaines. Parce que quand, surtout moi, peut-être plus moi que vous autres, parce que moi, je suis obligé de rencontrer bien du monde puis contacter bien du monde dans ma vie. Mais si je vais à New York puis je m'en vais au Plaza puis je m'assis dans la salle de déjeuner au Plaza, laisse-moi dire que je vais m'asseoir là où je dois. Là où je dois m'asseoir, va venir s'asseoir quelqu'un que je peux rencontrer, si je veux. Je vais m'asseoir à la bonne place. Ça, c'est vibratoire. Puis mon corps, il s'en va à la bonne place. Puis dans le bon temps. Fait que si j'ai rencontré quelqu'un, là, moi, j'ai juste placé pour le rencontrer. Puis, si t'es dans ta personnalité, puis quand t'es conscient, tu rentres dans, t'es dans ta personnalité réelle, à ce moment-là, il y a une vibration qui se dégage de ton être. Puis c'est comme ça que tu fais des liens, puis des liens, puis des liens, puis tu rencontres du monde. Tu peux pas rencontrer du monde si t'es pas dans ta personnalité. Parce qu'il y a pas d'attraction qui se fait. faut qu'il y ait une attraction vibratoire qui se fasse. Là, à ce moment-là, c'est magnétique, c'est... Puis ça, dans le monde, les gens le savent, le vivent inconsciemment, les vendeurs, les gens qui travaillent dans le public, les relations publiques, patati patata, ils savent intuitivement ça, ils vivent les lois d'impression intuitivement. Mais ça n'a jamais été expliqué au niveau occulte, pour tout expliquer le mécanisme avec un haut niveau de perfectionnement. C'est fort, c'est clair. Moi, il ne faudra jamais rentrer là-dedans, je pense, ça aurait été de donner des séminaires. Ça me fascine, quand même. Dans ce cours-là, les premières sciences qu'il y avait, c'était détruire le ridicule. Détruire? Le ridicule. Continue là. Ça veut dire le contexte. Parce qu'on trouve que tout est ridicule. Quelqu'un qui est gêné, par exemple, quelqu'un qui s'en va bien dans sa peau. Pour que tout est ridicule. Mais c'est ça, de détruire le ridicule. Pour devenir elle-même dans sa tête, avoir sa personnalité. Tu ne dis pas se sentir ridicule? Il ne faut pas se sentir ridicule si on nous appelait au micro, par exemple. Ah, ouais. Les gens étaient gênés. C'était ridicule, c'est ridicule, les personnes. Mais c'était de détruire ça, c'est un peu ridicule. Ouais. Toujours l'impression. Ah. Tu vois? Donc, il y avait ça. Ah. Mais c'était fun. Il manquait la chute. Le gars, il aurait aimé ça, mais ouais, il manquait ma fête. Je vous J'en ai jamais réellement parlé beaucoup de l'affaire de la personnalité, puis de tout ça, puis c'est extraordinaire. Je ne sais pas s'il y en a parmi nous autres qui ont eu la chance dans leur vie de rencontrer du monde dans leur vie qui ont des personnalités, là, de la personnalité, du char, ce qu'on appelle du char. Comme il y a des gens qui ont de la personnalité, mais ils n'ont pas de char. La reine Elisabeth dans la terre, elle n'a pas de char. Elle n'a pas besoin, c'est une reine. Mais ça en reste, c'est la plus fun. Tu as d'autres personnes comme Elisabeth Taylor, elle a beaucoup de charme. Ça fait partie de la personnalité, le charme. Puis ça se crée le charme, ça se développe le charme. Il y a des gens qui ont du charme en potentiel, mais c'est bloqué par l'émotion et ainsi de suite. Le charme, c'est fantastique, le charme. Puis il y a des gens qui l'ont le charme naturellement. Ils n'ont rien à faire, ils l'ont le charme. Puis il y en a des gens qui ne sont pas capables de l'avoir. Ça fait partie du charisme, le char. Ça fait partie de la personnalité, le char. Faudrait que j'en parle de ça. Oui, oui. Ça vous intéresse-tu, ça va? Oui, oui. Fin. Le charme pour un homme et pour une femme provient de la même chose. De la même chose. Le charme, ça fait toujours partie de l'intelligence, mais il est localisé dans différents centres. Le charme pour un homme, il peut être dans son humour, dans sa jovialité, plaisant. Le charme pour une femme peut être dans... Le charme pour une femme, je vous donne des exemples, il peut être dans sa gêne. Une petite sorte de gêne. Tu sais, il y a des femmes qui ont une petite sorte de gêne. C'est plaisant. Puis, il y a du charme qu'il ne faut pas détruire. Puis, il y a du charme qu'il faut détruire. Il y a du charme, c'est un peu comme des roseaux. Les roseaux. Il faut que tu coupes des branches pour que l'an prochain ne soit plus développé. Alors, il y a une charme qui n'a pas atteint sa maturité, puis c'est bon que tu le réajustes pour qu'il développe sa maturité. Puis, dans la gêne, là, c'est un exemple. Le charme, c'est que ça. Moi, je sais que je suis coupé à soi d'en parler parce que c'est un autre. C'est comme un autre volet, donc c'est une autre vibration. Mais j'aimerais bien s'en voir. C'est extraordinaire, le charme. La personnalité. La personnalité. L'un va avec l'autre. L'un va avec l'autre. Quand tu as du charme, tu as de la personnalité. Puis quand tu as de la personnalité, tu te sens bien. Parce que ça te permet de t'exprimer de différentes façons, physiquement ou émotivement ou mentalement. Passe-partout. Tu deviens passe-partout. Puis quand tu n'as bien de ça, là, tu passes partout. Il y a rien qui gêne. Non. Wow. Tu peux faire ce que tu veux. Parce que sans. J'en parle là, si tu es conscient, là, ou même si tu es inconscient, c'est le même phénomène. Tu manipules de l'énergie. Et une personne qui a de la personnalité peut manipuler de l'énergie. Pardon? Manipule la forme. Tu manipules l'énergie de la forme. Fait que ça t'ouvre, ça t'ouvre, puis ça t'ouvre, puis ça t'ouvre. Parce qu'ils disent que. Ils disent que pour avoir du charme dans la vie, pour avoir beaucoup de charme dans la vie, il faut avoir beaucoup vécu. Plus tu as vécu, plus tu as du charme. Mais pour vivre beaucoup, il faut être dégagé. Il faut être débloqué pour vivre beaucoup. Ça veut dire qu'il faut être capable de faire des mouvements dans la vie qui ne sont pas bloqués par l'esprit de l'intelligence. Il faut que tu aies du cran. Il y a des gens qui l'ont, ça. Ils défoncent les portes. Fait qu'ils s'ouvrent des portes automatiquement et ils vivent beaucoup. Ouais, du front. Mais ça, c'est une autre chose, ça, d'affaire. Ouais, sans être affronté. Ouais, j'en parlerai de ça, parce que tout, là, si vous me rentrez là-dedans, là, moi, vous pouvez vous couper ça, là, tu sais. Parce qu'il y a trop d'affaires. Non, il n'y a pas de charme, Fernandel, il était charmant. Pas pareil. Le chevalier avait du charme. Moi, le chevalier avait du charme. Carter n'avait pas de charme. Marilyn Monroe avait du charme. Ouais. Il était très plaisant, très gentil. Il était une femme très gentille, Marilyn Monroe. Elle avait du charme. Mais il y a des femmes qui ont des charmes, mais ils n'ont pas de charme. C'est le corps, c'est de la matière. Il faut que ce soit alimenté par l'esprit. Je parle d'une personnalité que pour moi, je vais prendre Michel Jasmin. Ce gars-là, il a vécu beaucoup. Et je trouve que c'est un homme qui est charmant, qui a une personnalité. Lui, il a la force d'impression. Il s'adapte à n'importe quoi. Si vous regardez les vedettes de cinéma, parce que c'est un monde bien à part, le monde du cinéma, les vedettes de cinéma, les stars, là, qu'on appelle, là, dans les hommes et les femmes, ces gens-là, il y en a parmi eux qui ont existé. C'est extraordinairement charme. D'ailleurs, c'est ça qui leur donne leur. C'est un pouvoir, le charme. C'est définitivement un pouvoir. Ça fait partie de la sensibilité, oui, de l'âme. Catherine Deneuve, je ne dirais pas qu'elle a du charme. Hein? Gérard Philippe, où je le place, là. Un peu médian. Pas le monde. Je m'en rappelle pas. Je les connais pas beaucoup, moi, ces gens-là, parce que j'ai pas suivi tellement le théâtre. Mais, hein? Hein? En tout cas, m'en parler un soir de cette affaire de charme-là. Hey, arrête! Do it, chat. Michel. Sa conscience qui ajoute. C'est bien le fun de parler de ces affaires-là. Ouais, mais c'est parce que je sais jamais ce que je vais parler quand je fais une rencontre. Là, je parle de ça parce que c'est la fin de la soirée pour dire. Mais je peux pas m'engager là-dedans parce qu'il y a trop à dire. Il y a trop à dire. Puis là, fait que là, je vais traîner jusqu'à 6h du matin. Je vous dis, c'est fascinant ce domaine-là. C'est fascinant. C'est un outil qu'on va avoir besoin. C'est un outil qui. C'est un aspect de la personnalité qui se développe. Je sais bien que dans la vie, si tu travailles ou si tu as des relations humaines, c'est un outil puissant. Mais le problème avec les gens qui donnent des cours de personnalité, c'est que les gens qui donnent des cours de personnalité ne connaissent pas les lois de la personnalité. Il y a une science dans la personnalité. Ils ne connaissent pas les lois. C'est du matériel qui est accumulé, l'expérience, ainsi de suite. Mais ils ne connaissent pas les lois. Il y a des lois. Puis quand tu commences à donner des cours de personnalité à une personne, il faut que tu prennes tout. Le vêtement, tout compte. Ouais, moi, si je donnais des cours de personnalité, je serais obligé de donner des cours de vêtements. Je serais obligé de vous indiquer la nature. Je serais obligé de vous indiquer et de vous faire comprendre les lois de la forme de vos souliers, les lois de la forme de vos blouses, de vos jupes. Parce qu'il y a des femmes qui portent des blouses, qui ne devraient pas porter de blouses, qui devraient porter un autre. C'est pas ça que je veux dire. C'est pas ça que je veux dire. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que chaque vêtement est une forme. Et chaque forme a une vibration qui convient plus ou moins à votre personnalité. Puis les gens, quand les gens s'habillent, les gens font constamment des erreurs dans leur habillement et automatiquement diminuent la valeur vibratoire de leurs vêtements ou de leurs bijoux, de leur ci ou de leur ça. Tu peux pas. Tu peux pas. Tu devras pas t'acheter quelque chose qui te fit pas et qui remonte pas la vibration de ta personnalité. Ou t'es mieux d'attendre. Si tu vas dans des magasins et tu veux t'acheter une paire de boucles d'oreilles, attends, il est temps. Eux autres, ils vont t'en faire trouver. Mais si tu vas avec l'esprit et l'intelligence, tu vas trouver la mauvaise boucle d'oreille. Mais si tu vas dans l'intelligence, ils vont te trouver là-bas, puis elles vont automatiquement de la vibration. Fait qu'une de temps en temps, tu t'ajoutes une petite paire de scie qui monte la vibration, une autre fois une autre affaire, puis une autre fois une autre affaire. La première chose, c'est que tu as toutes des affaires qui fit. Puis souvent, vous autres, vous allez vous acheter des affaires tout de suite quand ça devrait être dans 6 mois que vous allez porter ça. Fait que vous faites des agencements, puis c'est pas le temps. Parce que vous n'avez pas assez de patience, parce que vous n'êtes pas encore assez dans l'intelligence. Fait que là, ça devient bien compliqué, tu sais. C'est pas l'affaire d'être bien habillé ou de pas être bien habillé, parce que le vêtement, c'est le vêtement, c'est une forme. Il y a des hommes qui vont s'habiller, des jeans, des turtlenecks, puis ils ont de l'air de $1 000. Ils sont capables de le porter, ça vibre, ça. C'est leur vibration. Toi, d'essayer de le faire, ça marche pas. T'as l'air d'un. De l'air de rien. Et je trouve qu'à mesure qu'on chante, beaucoup chante. Ah, effectivement, effectivement. Moi, j'ai remarqué des femmes parmi vous autres qui s'habillent, qui ont changé dans leur habillement, qui se sont valorisées un petit peu à ce niveau-là. C'est bon. Puis plus tu rentres dans l'intelligence, mais plus automatiquement tu le fais parce que plus tu deviens sensible à ta personnalité. Est-ce que c'est un petit peu dérangeant qu'ils soient en vie temporairement? Oui, ils peuvent l'enlever temporairement pour changer le corps astral, la vibration. Ils vous enlèvent d'ailleurs, c'est ce qu'ils font. Quand tu passes une initiation solaire, ils t'enlèvent tout. Ils t'enlèvent tout ce qu'ils sont capables, en tout cas. Puis ensuite, ils te le redonnent. C'est mon tant mon regardeur, il fait une petite mon Comme elle, là, elle a un outfit, là. Moi, je la vois une petite, je vois pas la jupe, là. Mais la partie de l'épaule là, en montant, là, ce que je vois d'ici, là, ça fait parfaitement sa personnalité. C'est bien ajusté. Là, j'ai pas vous essuyer, mais ce que je vois là, c'est ajusté. C'est ajusté. D'ailleurs, je ne s'affiterai pas, je ne vous le dirai pas, pour vous comprendre ça, vous créer des tensions. Mais, non, je fais en général, je fais des compliments, mais je ne vais pas faire de critiques. Mais ça, ça fit parfaitement sa personnalité, elle. Comme lui, elle sent un chandail jaune, avec ses cheveux de main, ça fit parfaitement sa personnalité. Ça fit. Que tu sois dans le sport ou dans le luxe, ça fit. Mais il faut que ça fit. Puis quand ça fit, c'est plaisant. Puis là, c'est tout croche. Bon. C'est bien le fun. Bon, moi, la fin, je ne rentre pas dans ce matériel-là. Mais où les femmes aujourd'hui ont beaucoup de difficultés en général, c'est des suivis. Vous ne savez pas choisir vos souliers. Parce que ce qui arrive aujourd'hui, c'est que les modes sont tellement fortes, les modes, que vous achetez des souliers et ça ne fait pas. Moi, je vois un petit peu. Mais ça ne fait pas. Il y en a qui ont des souliers qui fit. Une qui est bien bonne des souliers, c'est Louise Farmer. Elle, ça fit comme un gant, Charlie. Check-la n'importe quand. Ça fit tout le temps, ses souliers. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle n'a jamais fait d'erreur des souliers, elle. J'ai remarqué ses souliers. Mais ce que je veux dire dans tout ça, c'est que c'est ça l'affaire, c'est que quand tu rentres dans l'intelligence, tout t'intéresse. Ça farie le monde, mais tu t'aperçois après un certain temps que c'est enrichissant, puis enrichissant, puis enrichissant, puis enrichissant, puis enrichissant, puis enrichissant. Moi, des fois, j'amenais ma femme chez Eaton, pas chez Eaton, chez Simpson, je pense. Non, chez Simpson. Puis ils ont des comptoirs de maquillage, là. Surtout une autre personne qu'on connaît, nous autres, des amis de ma femme, là. Puis là, je maquillais. Puis les gens venaient à tout à l'entour, puis ils pensaient que j'étais un maquilleur professionnel. Puis je dis à ma femme, ferme ta gueule. On prend un machin. Puis... Expliquez-y, c'est un peu pas faire. Parce que c'est dur, c'est bien plus dur que vous pensez pour une femme. Là, vous parlez pas des femmes parce que les femmes ont tellement à faire. C'est parce que les femmes ont tellement de variations dans leur apparence extérieure. Tandis qu'un homme, c'est une cravate, une paire de souliers. C'est simple, un homme. Fait que ça reste. Tandis qu'une femme, fait que la chance de faire des erreurs, la femme, sont bien plus grandes que chez l'homme. Ouais. Thank you. comme ça que vous regardez des magazines. Je sais pas, là. Là, je suis parti en ballon. Je sais. Là, ben, je veux continuer parce que je veux pas m'ennuyer chez nous. Su que je dois être en délai, allez-vous en. Vous autres, les femmes, vous regardez des magazines de mode. Hein? Vous regardez des magazines de mode, vous passez à travers ça, vous vous dites, c'est beau, c'est tout, baba. Quand vous regardez un magazine de mode et que vous trouvez quelque chose à votre goût, vous devriez couper la page, la mettre dans une filière. Vous vous rappelez le nom de l'homme qui produit ou de la maison qui produit. Fait qu'après un certain temps, ce qui va arriver, c'est que vous allez réaliser que dans les lignes de vêtements ou dans les lignes de cosmétiques, mais parlons des lignes de vêtements, il y a une continuité dans le style. Il y a des maisons qui ont un style raffiné parce que les gens qui produisent des vêtements et des souliers, souvent c'est tout ensemble. Ça, c'est tout. Il y a un gars qui run le show et qui donne ses idées. T'sais. Comme Valentino, c'est un exemple. Valentino, il fait des chemises puis il fait des souliers de femmes. Puis quand tu regardes les souliers de femmes qu'il fait, sont extraordinaires. Puis les chemises sont extraordinaires. Fait que parce que des fois, ils touchent au matériel d'homme ou au matériel de femme. Fait que quand tu as du Valentino, tu connais Valentino, puis tu vas quelque part, ou tu vas en ville, ou tu vas dans une autre ville, tu vas choper là, parce que tu sais que ce qui se produit, ça convient à ta personnalité. Puis là, tu accumules. Vous dépensez moins d'énergie, vous en arrivez que vous magasinez plus. Parce que vous perdez de l'énergie à magasiner. Oui. Alors ça, vous demandez à votre mari de vous suivre. Je comprends que les gars veulent pas y aller. C'est une perte, c'est très fatigant de magasiner. Faut pas magasiner. Mais quand tu passes, puis tu vois quelque chose, ton goût à ce moment-là, il est formé, tu le prends, puis tu le gardes. Même si tu vas pas le porter tout de suite, tu vas le porter dans 6 mois, ça fait. Mais vous deviez couper les pages puis garder ça ensemble dans une filière. Puis après quelque temps, après 1 an ou 2 ans, vous allez être surpris de voir que vous pouvez identifier des formes de vêtements ou de maison. Puis c'est votre ligne. Fait que quand tu les retrouves, ça fait. C'est très délicat ici. Il y a des femmes qui ont des petits pieds, ont des petites jambes, ont des gars. C'est facile pour eux autres. Il y a des femmes qui ont les pieds larges, sont pesantes, et ainsi de suite. Fait que c'est une femme qui est pesante, puis t'es obligé de l'amener. Faut que tu donnes un soulier qui donne l'impression d'être légère. Ça va avec la forme de ça. Comment ça s'appelle ça, cette affaire-là? Le mollet. Il y a un rise and fall des souliers. Il y a une loi de rise and fall. Il y a des souliers qui sont trop hauts. Les talons sont trop pointus. Il y a tout ça des... Moi, je disais à Laval, les problèmes avec des souliers depuis qu'elle est petite fille. Puis un jour, j'ai dit, m'a t'amener dans le bas de la ville, m'a te montrer qu'est-ce que c'est ta forme, toi, là. Puis quand tu auras identifié ta forme, puis tu la connaîtras, à ce moment-là, tu pourras t'acheter des souliers n'importe où, n'importe quand. Facile. J'en ai trouvé un soulier, puis ça fit. Ça fit. Fait qu'elle peut trouver n'importe quelle couleur, n'importe quel changement, variation dans le thème, elle a toujours la forme. Il y en a d'autres femmes, c'est plus facile les habiller au niveau des souliers. Austin, c'est bien intéressant. Je m'excuse les hommes de vous parler de ça, mais... C'est une affaire de sensibilité, puis d'esthétique, puis d'intelligence. D'ailleurs, ça revient tout à l'intelligence. Anyway. J'essaie de vous faire comprendre que de l'intelligence, c'est très vaste, puis c'est très intéressant, puis c'est très profond, puis ça s'occupe de tout, ça s'intéresse à tout. Ça peut critiquer tout. Moi, je me suis pas l'importance que le sujet. Parce que c'est là que les femmes font le plus d'erreurs. Moi, je vous gage qu'il n'y a pas dans la salle ce soir, qu'il n'y a pas combien? Qu'il n'y a pas 25 femmes dans la salle qui ont le soulier qui leur convient. Il n'y a pas 25 qui ont le soulier qui leur convient. Ça fait de la démarche, ça fait de l'allure, parce que on a un corps astral, vous avez un corps astral. Puis quand un soulier qui fait ton, qui est en harmonie vibratoire avec ton corps astral, tu le sens. Tu marches pas pareil, tu te sens différent. Quand tu changes de vêtement, tu te mets un vêtement qui fit, tu te sens différent, tu te sens bien. Tu es comme un char, quand tu laves ton char, il marche mieux qu'avant. Sérieux? Lave ton char, puis tu as l'impression qu'il marche mieux qu'avant. C'est astral. Ça va être moins, là. Les sens. Vous voulez la vieillir? Mais ça, c'est intéressant, ça, encore. C'est parce que vous n'êtes pas à l'aise avec vous-même. C'est l'expression extérieure du fait que vous n'êtes pas à l'aise avec vous-même. Si vous étiez à l'aise avec vous-même, vous seriez capable de porter un vêtement totalement neuf puis être tombé right dedans. Moi, à Noël, je m'étais acheté un soude pour aller à votre party, à vous autres, là. Je m'étais pas acheté une paire de souliers noirs avec. J'ai eu une tension toute la soirée. Mon soude était neuf, ma cravate était neuf, ma chemise était neuf, j'avais une paire de souliers qui était très bonne, très propre, mais qui était pas neuve. J'avais une tension. Je l'ai vécu toute la soirée, puis je suis obligé de la vivre. Ça va partir de mes souffrances. Ça va loin, la psychologie. La psychologie du vêtement, je pourrais vous parler de ça pendant des années de temps. C'est comme les parfums. Vas-tu en sortir, ça? Wow. Vous autres, vous portez des parfums? Suivez-moi, jeune homme. Pas suivez-moi, jeune homme. Sauf toi, petit gars. Non. Il y a des femmes qui se parfument, mais tu te demandes s'il n'y a pas une moufette dans le coin. C'est un parfum naturel. Ah, le parfum, c'est très important pour une femme. Très important pour une femme. Puis il y a un parfum qui fit à la personnalité de la femme. Ouais, mais là, vous faites pour de la vente, pression, la vente. Un parfum, il faut que tu le trouves par vibration. Puis après ça, quand tu as un parfum, tu le gardes jusqu'à temps que tu meurs. Même la tombe s'en va. Il y a des parfums. Il y a des parfums pour l'après-midi. Il y a des parfums pour le soir. Il y a des parfums pour l'aube et pour la nuit. Bonjour Bernard. Donc, quand tu commences à te dire que tu veux tout ça, non? Ok. Non, ok. Là, j'en viens à ça parce que vous avez entièrement raison. Il y a entièrement raison, mais ce que vous devez comprendre, c'est le temps. Là où les gens font erreur, c'est que vous voulez avoir ça tout d'un coup. T'es pas capable d'avoir ça parce que tu ne peux pas avoir tout d'un coup quand t'es dans l'intelligence. Ils vont t'amener graduellement à parfaire ta personnalité, parfaire ton physique, parfaire ton environnement matériel. Ben, graduellement. Mais ils vont t'amener à ça quand t'es dans l'intelligence. Mais il faut que tu réalises. Une fois que tu as réalisé, ils t'amènent à ça. Moi, ça fait 11 ans que je suis marié, puis je dis à ma femme, en 1969, un jour, tu trouveras ton parfum. Je te trouverai ton parfum un jour. Tu découvriras ton parfum. Elle l'a découvert, ça fait 2 semaines. Là, elle sauve en ville. Elle est partie en ville, là, elle a acheté le parfum. Puis ensuite, il y a le cologne. Puis ensuite, il y a le savon. Puis ensuite, il y a ci. Puis ensuite, là, Elle est tout à prêt à les acheter, là. Mais ça a pris des années. Mais là, c'est le temps. Là, je dis pas un mot. Avant, j'avais dit pas le temps. J'avais fait de la guerre à la maison. C'était pas le temps. Parce que, faut que tu sortes, faut que tu puisses sortir, faut qu'elle puisse bénéficier de son parfum. Tu peux pas être dans l'initiation et te parfumer. Ça fait partie de la vie sociale, de la vie, tu sais. Bon. Il y a un temps. Là, elle est dans le temps, là. Fait que là, c'est le fun pour elle. Elle a son parfum. Elle a trouvé, finalement, son parfum. Puis elle sait que c'est son parfum. Tu sais, elle est dans... L'intelligence, ça doit servir à toutes sortes de choses. Mais tu peux pas faire. C'est parce que tu peux pas. Quand tu fonctionnes à l'intelligence, tu fonctionnes pas comme quand tu fonctionnes à l'esprit d'intelligence. Quand tu fonctionnes à l'intelligence, tu es bien patient. Puis, il y a un temps. Comme moi, j'ai besoin d'un couvre-pied à la maison, je n'ai pas. J'en ai un, mais c'est pas moi, c'est pas celui que je veux. Mais je peux rien faire parce qu'il faut changer les murs avant. Un couvre-pied, il faut changer les murs. Puis je sais pas comment est-ce que je vais changer les murs. Fait que faut que j'attends. Fait que c'est tout gradué. Fait que ce qui se passe, c'est que t'en arrives à développer le plaisir d'acheter ce que les gens n'ont pas. Les gens n'ont pas le plaisir d'acheter. Ils ont l'impression d'avoir le plaisir d'acheter. Mais ils n'ont pas le plaisir d'acheter. La preuve, c'est que quand ils ont acheté, que temps après, ils l'oublient. Ils n'ont plus la valeur. Tandis que quand tu es dans l'intelligence et tu achètes une pièce, tu l'aimes pendant des années de temps. Tu l'aimes tout le temps, tu l'aimes. Tu peux pas ne pas l'aimer parce qu'elle a été achetée dans une vibration mentale. Au lieu d'être acheté dans une vibration astrale. Donc, tu l'aimes tout le temps. Ah, ben, effectivement. Ouais, c'est ça. Fait qu'il dit, vous faites des compromis. Fait que si vous faites des compromis, la valeur de la forme est diminuée. Fait que la première chose que tu sais, c'est que après quelque temps, tu vois une autre affaire, ben, tu l'achètes. Puis vous finissez à 50 000 sacoches dans la maison. C'est pour ça que ça coûte cher. Une femme n'a pas besoin de 70 000 robes dans son garde-robe. Il y a une chose qu'une femme a de besoin, que toute femme a de besoin dans son garde-robe. C'est un costume. Une femme doit avoir un costume. Ça, c'est de base. Ben, le costume, elle peut mettre plusieurs bleus. Elle a plusieurs outfits. C'est de base. C'est toujours classique, c'est toujours sobre. Fait que si elle est appelée pour une raison ou une autre, elle a un endroit, puis elle n'a pas l'autre pièce, elle peut toujours mettre le costume. C'est le temps. Une femme qui va en costume, quand elle est au Ritz le soir, quand elle est au Ritz l'après-midi, quand elle est en cours, quand elle est chez Eaton, est toujours habillée en costume. Alors, il y a des lois vibratoires. Moi, je ne peux pas commencer à vous expliquer ça, vous donner un coup de personnalité. Ça n'arrête pas, mais c'est fantastique. C'est fascinant. Fascinant. C'est parce que vous subissez l'influence des magasins, effectivement. Tu vas des magasins. C'est ça. Tu vas des magasins, tu demandes une pièce, ils vont dire, oh, c'est plus à la mode, ça. Ma femme avait une petite montre, tu sais, une montre indépendante, une montre, là. Les vieillettes, là, vieillots, là, pas, tu sais, bien faites, là. Elle n'est pas capable d'en trouver. Ils disent, c'est pas à mode. Qui c'est qui fait à mode? Le monde. Fait que toi, tu perds. Elle va en trouver une. Puis après ça, là, quand elle a trouvé quelque chose qui n'est pas supposé d'être la mode, les gens qui la rencontrent, ils disent, vous êtes bien chic, Mme Boucher. Vous êtes bien belle à soir. Parce qu'elle est dans sa vibration, c'est tout ça qu'elle est belle. Si elle était dans la vibration de la mode, elle allait une folle. Tu peux pas vivre. Oh. En tout cas, je sais ce que je veux dire. La mode. Moi, je vais chez Aquascutum, je veux un saut avec un double breast, là, tu sais. Ici, un bouton ici. C'est pas en mode. C'est pas en mode. Maman faire faire un. Sinon, pas maman faire faire un. Parce que je sais que c'est ma vibration, maman fait faire. Vous ne pouvez pas porter un sou de karaté rouge. Ça ne fait pas ma vibration. Peut-être la vibration des autres, mais pas moi. C'est toujours de même. On se laisse influencer à gauche, puis à droite, puis à gauche, puis à droite, puis à gauche, puis à droite. Il y a une fille chez Browns qui arrive, parce que ma femme a regardé une paire de souliers, elle arrive avec une sacoche qui matchait le soulier. Tu sais, les Juifs, ça pousse. J'ai pris la sacoche, puis j'ai expliqué les fautes dans la sacoche. Elle l'a remis sur le comptoir, la sacoche, Charlie. J'en ai parlé 15 minutes de la sacoche. 15 minutes, j'ai parlé de la sacoche. Elle nous a plus écœuré. Ouais. On se laisse influencer. Puis par nous-mêmes, c'est difficile par nous-mêmes. Que ce soit au niveau de la mode, ou que ce soit au niveau de l'intérieur, ou que ce soit au niveau de la connaissance interne, que ce soit au niveau de l'ego, c'est difficile pour l'ego d'être sûr. Il y a des gens qui sont chanceux, ils ont été élevés dans des familles qui avaient du goût, puis les enfants grandissent avec la méditation, ça c'est ça. Il y a des gens qui n'ont pas eu cette chance-là. Faut que tu l'aies la sensibilité, faut que tu regardes, t'observes, et ainsi de suite. Les conditions de vie ne permettent pas tout le temps. Puis il y a des femmes qui l'ont, la vibration. Ils ne payent pas cher pour le suivi, puis ils ne payent pas cher pour leur manteau, mais ça fait. Ça fait. se jurait qu'ils l'ont acheté et qu'ils ont payé. Il n'y a pas bien jamais. Ils sont cute, ils sont propres, ils sont élégants. Il y a des femmes qui payent très cher pour leur linge, on a l'air des vraies folles. Des vraies folles. Allez des balles, les soirées de balles, tu regardes ça, les gros friches à votre manche, là. Ils sont habillés comme des éléphants. Des vapes poudrettes ambulantes. C'est pas regardable. Ça pue. Ah! Oh. C'est si beau une femme. Hein? Pas comme un homme, une femme. Une femme, un homme, ça pose d'être beau. Un homme, ça peut avoir une belle personnalité. D'une femme, c'est bien ajusté, c'est beau une femme. Qu'elle soit jeune ou vieille, il y a des femmes qui sont vieilles et qui ont l'air radiantes. Bon. Wow, mais ça, c'est une autre affaire. Ça, j'ai accusé les hommes dernièrement. J'ai dit, les hommes aiment toujours ça que leurs femmes soient belles. Mais eux autres sont tellement égocentriques qu'ils ne sont pas capables de se mettre dans la tête que leurs femmes aiment ça, eux autres, qu'eux autres aussi soient beaux. Ouais. Mais les hommes ne le réalisent pas. Ah, il faut que leurs femmes soient belles, mais eux autres, là, ils ne le réalisent pas. Ouais. Mais ça, c'est parce que c'est à cause de l'égocentricité de l'homme, ça, c'est. La femme, il faut qu'elle soit belle. Mais lui, là. Il ne réalise pas. C'est comme ça, la job de la femme, tout ce pomponnier. Moi, je sais bien quand je me mets beau à la maison, ma femme, elle aime bien ça. Elle aime ça. On n'est pas bien astral, nous autres, mais elle aime ça pareil.